Nietzsche, Le Gai Savoir, paragraphe 341. Le poids formidable. Que serait-ce si, de jour ou de nuit, un démon te suivait une fois dans la plus solitaire de tes solitudes et te disait « Cette vie, telle que tu la vis actuellement, telle que tu l'as vécue, il faudra que tu la revives encore une fois. » Et encore une quantité innombrable de fois. Il n'y aura en elle rien de nouveau. Au contraire, il faut que chaque douleur et chaque joie, chaque pensée et chaque soupir, tout l'infiniment grand et l'infiniment petit de ta vie reviennent pour toi. Et tout suivant la même suite et le même ordre. Et aussi cette araignée. Et ce clair de lune entre les arbres. Et aussi cet instant, et moi-même, l'éternel sablier de l'existence sera retourné toujours à nouveau. Et toi, avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas contre terre en grinçant des dents? Et ne maudirais-tu pas le démon qui parlerait ainsi? Ou bien as-tu vécu déjà un instant prodigieux où tu lui répondrais « Tu es un dieu et jamais je n'entendis chose plus divine. » Si cette pensée prenait de la force sur toi, telle que tu es, elle te transformerait peut-être, mais peut-être t'anéantirait-elle aussi. La question « Veux-tu cela encore une fois ?» Et une quantité innombrable de fois. Cette question, en tout et pour tout, pèserait sur toutes tes actions d'un poids formidable. Ou alors, combien il te faudrait aimer la vie, que tu t'aimes toi-même, pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation.